fait sur le vif le prénom relatif. Apprennent la grammaire, s'associent dans les vers. Le papier de vie, la romance s'écrit. De cœur prennent la fugue et leurs âmes se conjuguent. Elles sont le sujet, le complément, l'objet. En construisent des phrases et remplissent les cases. Dans un ton ponctué, de but subordonné. Dans une conjonction, nous nous coordonnons. Il est impératif d'effacer les motifs, corriger nos exclure, éviter la rupture. Faute d'une liaison, c'est la terminaison. Et faute d'un accord, on se retrouve en tort. De souvenirs classés, on participe présent pour l'autre à tout moment. Et dans l'infinitif d'un amour subjonctif, nous songeons au futur, nous ne voulons conclure. Elles sont le sujet, le complément, l'objet. En construisent des phrases et remplissent les cases.